est très claire. L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises 2 mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. À partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Le travail contre la liberté, comment, après l'abolition de l'esclavage, un système de domination s'est perpétué, engagez-vous, qu'il disait. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. C'est un décret qui a changé la vie de millions d'hommes et de femmes. Il est signé à Paris par les membres du gouvernement provisoire de la République française le 27 avril 1848. Son article premier est très clair. L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises 2 mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. À partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres seront interdits. À partir de la promulgation du présent décret, c'est bien écrit, donc à partir d'avril 1848. Ah voilà des siècles, des décennies que les abolitionnistes luttent pour imposer une évidence, l'esclavage est un crime. Parmi eux se trouve Victor Schœlcher, il est l'initiateur de ce décret d'abolition de l'esclavage. À partir de la promulgation du présent décret, et pourtant, dans les colonies et dans les possessions françaises, le travail ne s'arrête pas. Et les vieilles mauvaises habitudes non plus. Oui, qu'en est-il de l'esclavage après l'esclavage ? Cette semaine, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons au travail forcé, au travail sans liberté, des esclaves dans l'Antiquité, au servage en Russie, en passant par les abolitionnistes, des émissions qui peuvent être écoutées sur le site internet lecoursdelhistoire.franceculture.fr ou bien podcastées, et puis rejoignez-nous sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, c'est un aspect particulier de la question « Que se passe-t-il dans les colonies françaises après l'abolition de l'esclavage en 1848 ?» Pour nous en parler, Céline Fleury, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche au CNRS et vous publiez « De l'esclavage à la liberté forcée, histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au 19e siècle, de l'esclavage à la liberté forcée ». C'est quoi cette liberté forcée dans le titre de votre ouvrage ? Ah, c'était un nom que j'ai choisi pour nommer une forme d'engagisme très particulier. Donc, 4 ans après l'abolition de l'esclavage, donc de 1848 que vous avez évoqué, le gouvernement français décide de mettre en place des migrations un peu particulières de travailleurs, puisque ce sont des travailleurs qui, avant leur départ, signent un contrat d'engagement de travail de plusieurs années. Qui ne dit pas quel travail ils feront, quel employeur ils auront, et parfois non plus ne précise pas la destination finale. Et du coup, ces travailleurs arrivent aux colonies françaises avec ces contrats d'engagement. Et du coup, ils vont recruter des personnes en Inde, en Chine et aussi en Afrique. Et là, on est face à un engagisme... je développerai tout particulier, qui m'a fait nommer cette forme d'engagisme une liberté forcée. L'engagisme, oui, parce que ce sont des contrats où ils s'engagent, mais on va voir avec vous, Céline Fleury, combien la situation est complexe, parce que nous sommes donc dans la deuxième moitié du 19e siècle, après 1848, l'abolition de l'esclavage, et ça tombe bien, parce que nous allons parler également d'un opéra comique, qui a été joué donc au 19e siècle, en 1842, opéra comique de Louis Clapisson et d'Eugène Scribe. Eugène Scribe, le grand auteur de théâtre qui se fait ici librettiste. Cet opéra comique, c'est le Code Noir. Et pour nous en parler, le directeur musical de cet opéra, Jérôme Correas. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que vous vous retrouvez l'un et l'autre. Nous sommes au 19e siècle, mais avec le Code Noir, évidemment, nous avons un clin d'œil vers le passé, vers Louis XIV, avec ce code terrifiant. J'ai envie de vous demander tout de suite... pourquoi s'intéresser à un opéra comique de 1842, ressortir cette chose-là ? Alors d'abord, en ce qui me concerne, pour peut-être enfin, en tant que chef d'orchestre habitué à monter des œuvres qui parlent de Dieu, de héros antiques, de personnes un petit peu déconnectées de notre vie actuelle, donc le plaisir et la curiosité de monter une œuvre qui soit en prise avec la société, celle du 19e siècle qu'on vient d'évoquer, mais aussi d'une certaine façon de notre époque. De notre époque, ouais. C'est vrai que toutes les questions que l'on se pose là aujourd'hui autour de cette notion de travail forcé, de travail sans liberté, parle à notre monde d'aujourd'hui. En fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Kien avec son journal de l'histoire. Anaïs, qui assure la programmation de notre émission. Mais pour le moment, nous allons accompagner dans sa fuite un nègre marron, comme on disait au 19e siècle pour parler d'un esclave fugitif. Oui, nous l'accompagnons avec l'écrivain Édouard Glissant, martiniquais, qui depuis les Antilles, depuis le monde créole, dans l'intention poétique, c'était en 1969, présente un monde qui nous paraît aujourd'hui bien sombre. Le fugitif, l'Africain voué aux îles délétères, ne reconnaissait pas même le goût de la nuit. Cette nuit inconnue était moins dense, plus nue, et l'affolait. Loin en arrière, il entendait les chiens, mais déjà les acacias l'avaient ravi du monde des chasseurs. Et ainsi entrait-il, homme de grande terre, dans une autre histoire, où, sans qu'il le sût, laissant recommencer pour lui. Ses chiens avaient traversé la mer, eux aussi, dogues des Flandres ou de forêt noire. Mais ils n'entraient pas dans cette autre histoire. Maîtres et chiens étaient venus pour la rapine de profit. Bientôt, ils voudraient continuer par ici leur terre. L'histoire nouvelle ne les troublait pas, qu'ils allaient pourtant faire. Seul, celui-ci fut double, qui marronna sur la trace et connut la coma. La force des mots d'Édouard Glissant qui évoque ces hommes, ces femmes qui sont entrés dans une autre histoire. Céline Flory, en 1848, l'esclavage est aboli. Ça se passe à Paris, c'est un décret qui est signé à Paris. Quelles conséquences immédiates dans les colonies? On pourrait imaginer que dès que la nouvelle arrive, le monde entier change. En fait, il y a toute une période de transition, ça ne change pas. D'un coup, les esclaves ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Tout d'abord, il y a le temps des correspondances qui n'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc le décret, mais l'information arrive assez rapidement. Et le décret, comme vous l'avez évoqué en introduction, il y avait 2 mois de délai. Mais en fait, dès que les esclaves et l'ensemble de la majorité, enfin de la population en Martinique et notamment en Guadeloupe apprennent ce décret, il y a des mouvements très forts, des rébellions pour que le décret, et en fait vraiment, ils vont obliger à imposer l'application du décret beaucoup plus rapidement. Donc le 22 mai en Martinique, les gouverneurs sur place proclament le décret bien avant ce qui était prévu. Ce qui ne sera pas le cas pour la Guyane, où là ça sera le 10 août 48. Et tout de suite, enfin très rapidement, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que souvent on a présenté 1848 comme ce slogan très problématique en 98, tout se naît en 48, comme si maintenant l'esclavage est fini, c'est la liberté pour tout le monde. En fait, l'horizon de la liberté est un horizon d'attente très long et c'est un processus. Et même sans même parler des engagés qui vont arriver, même pour les ex-esclaves, très rapidement, alors que vraiment le décret de 48, et en fait c'est un ensemble de décrets, était plutôt progressiste. Par exemple, il y avait l'école pour les enfants, il y avait plein de mesures. Mais en fait, dès le mois de juin 1848 et dès décembre 48, il y a déjà plein de décrets locaux qui sont imposés pour réduire ces libertés. Et dans un premier temps, vraiment le gouvernement français, les autorités locales, bien sûr avec l'appui des planteurs ou des grands propriétaires terriens, mettent en place tout un système législatif pour contraindre, essayer de contraindre au maximum les anciens esclaves à rester sur les plantations et à travailler dans la canne à sucre majoritairement aux Antilles, mais en tout cas dans toute exploitation de produits coloniaux. Donc en fait, même pour les anciens esclaves, ils sont soumis en fait à une pression extrêmement forte. Par exemple, pour vous donner un exemple, il y avait une des grandes revendications, c'était l'accès à la terre. Et en commission d'ailleurs, Schœlcher avait vraiment essayé d'appuyer le fait que les cases des esclaves leur appartiennent au moment de l'abolition. Et en fait, ils ne lâcheront pas et tout est fait pour qu'ils ne puissent pas avoir acheté de la terre. Enfin, ils y arriveront quand même, mais vraiment, ils ne seront pas aidés par les autorités et le gouvernement. Oui, c'est la chose difficile. C'est vrai que l'esclavage est aboli, mais enfin, il faut manger quand même. Et donc, si on n'a pas de terre, si on n'a rien pour cultiver, la liberté ne sert à rien. Et donc, on sent que ces esclaves qui étaient esclaves, qui sont devenus libres, en fait, restent complètement dominés par les anciens planteurs. Et puis, Céline Flory, c'est vrai qu'il y a un parallèle intéressant à faire entre l'histoire politique et puis ce qui se passe au même moment dans les colonies et dans les possessions françaises. La jeune république qui se met en place en février 1848 dans sa ferveur abolit l'esclavage, mais dès juin 1848, c'est le retour à l'ordre. Ce retour à l'ordre se ressent dans les colonies, vous l'avez bien dit, les esclaves ne font pas ce qu'ils veulent. Il y a quelque chose de passionnant dans l'approche que vous faites de cette après abolition de l'esclavage à la liberté forcée, donc c'est les éditions Cartala. C'est vrai qu'il va falloir remplacer la main-d'œuvre. On comprend la logique, c'est-à-dire il n'y a plus d'esclaves, donc on ne peut plus se procurer, on ne peut plus acheter des esclaves. Et pour les planteurs, il y a cette réflexion, mais d'où va venir la nouvelle main-d'œuvre ? En fait, c'est pas forcément qui, parce que souvent il y a dans l'historiographie pendant longtemps, on a un peu expliqué l'arrivée de tous ces travailleurs, c'est des milliers de personnes qui vont arriver dans le second 19e siècle, donc ces engagés indiens, chinois et africains, par un manque de main d'œuvre. En fait, c'est pas tant un manque numérique de bras, c'est plus avoir des personnes qui peuvent travailler aux conditions que veulent les planteurs. En fait, malgré toute la législation dont je vous ai fait part pour les ex-esclaves, après 48, il y a quand même un rapport de force qui est plutôt en faveur des anciens esclaves, numériquement. Et en fait, il y a vraiment un conflit de deux projets de société qui s'affrontent entre les anciens planteurs et les nouveaux libres, c'est le terme qu'on emploie à l'époque. Et clairement, les planteurs refusent de donner raison aux nouveaux libres qui, eux, réclament le salaire, la possibilité de travailler 2-3 jours sur les habitations, mais aussi d'avoir une terre et de faire un travail de culture vivrière ou autre. Et en fait... Du coup, en 52, les décrets qui sont passés, donc là on est sous le Second Empire. Voilà, 1852, on est dans cette période de transition entre le coup d'État du président de la République, et oui, Louis-Napoléon Bonaparte, et puis la proclamation de l'Empire. Et en fait, 1852, c'est vraiment des décrets qui à la fois posent une forme de travail forcé pour les nouveaux libres, avec une imposition du livret, enfin une définition du vagabondage qui est d'ailleurs beaucoup plus restrictive que celle qui est en... dans l'Hexagone au même moment, et parallèlement ouvre justement le recours à l'engagisme. Et en fait, l'idée, c'est d'amener des travailleurs qui sont pris dans un système de travail très particulier qu'est l'engagisme, qui, eux, ne pourront pas avoir de marge de manœuvre aussi grande, si on peut dire, que les nouveaux libres, et en fait de changer le rapport de force et de dire, bon, bah, vous voulez pas travailler à tel salaire et rester sur les habitations 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, bah, on fait venir des gens qui sont pris dans un système juridique qui, de toute façon, enfin, ils sont obligés par la législation, et il y a aussi tout un système punitif où ils ne peuvent, parce que la grande spécificité de l'engagisme, c'est que c'est des contrats d'engagement donc sur plusieurs années, et ils sont insécables. Vous ne pouvez pas casser votre contrat d'engagement. Si vous arrivez à prouver que votre engagiste ne vous paie pas ou vous maltraite, le gouvernement peut vous changer d'engagiste, mais vous allez être placé chez quelqu'un d'autre et vous devez finir votre temps d'engagement. Pour vous donner une idée, les travailleurs indiens sont engagés pour 5 ans, les Africains dont on va parler, donc cette liberté forcée, donc ils sont en fait désengagés vraiment très particuliers, puisque eux n'ont pas été, en fait, sont des captifs que le gouvernement français a fait acheter clairement sur des marchés d'êtres humains encore en activité, surtout en Afrique centrale. Et alors eux, du coup, ils sont vraiment C'est une traite déguisée, si vous voulez, pour le dire rapidement. Alors, Céline Fleury, donc c'est bien ça, pour engager des gens, certains Français vont sur les marchés d'esclaves africains, achètent des esclaves et alors leur donnent leur liberté, mais c'est pas vraiment de la liberté. Comment ça se construit, en fait? Alors, en fait, c'est au départ vraiment l'engagisme, pour que les choses soient claires. Il y a un article qui est très précis. Les personnes doivent être libres, de statut libre. Le recruteur leur propose les conditions et donc ils doivent s'engager en toute connaissance de cause. Et surtout, ça doit être des personnes libres. Alors ça, c'est à caution même pour les Indiens et les Chinois, si vous voulez. Parce que bon, il y a des gens qui vont être drogués, à qui on explique qu'ils vont être beaucoup, enfin, payés mieux. Enfin bon, ça c'est... Mais c'est des personnes libres. Pour ce qui va se passer avec le continent africain, il y a toute une partie où vraiment ce sont des Africains de statut libre au départ, qui travaillaient déjà avec des Européens, et c'est des gens qui viennent souvent de Gorée, au Sénégal, donc qui parlaient français, ou de Sierra Leone, de Freetown, donc qui parlaient l'anglais. Mais la grande majorité de l'engagisme africain, et c'est pour ça que c'est un système, c'est vraiment l'engagisme, le terme on peut le mettre entre guillemets, étaient en fait des captifs sur des marchés négriers. Donc en fait, le gouvernement français va autoriser des entrepreneurs français, des recruteurs qui ont un contrat, hein, vraiment avec l'État. Et c'est vraiment des migrations d'ailleurs qui sont autorisées, encadrées par l'État. Vous avez des représentants de l'État qui suivent toutes les opérations de recrutement. Et donc, ils vont sur des marchés négriers. Et là, on est vraiment dans un système de traite. Ils achètent des hommes, des femmes et des enfants. Qui d'ailleurs, là, on est au milieu du 19e siècle. Donc, c'est quand même la fin. Il y a eu, je vous rappelle que il y a eu énormément d'engagement de plein de pays européens pour arrêter la traite dès le début du 19e siècle. Oui, ce sont deux choses différentes. Ouais. Il y a toute une vague pour arrêter la traite négrière. Ouais. Et la seconde vague, c'est abolir l'esclavage. Oui. Et si vous voulez, d'où le terme utilisé de rachat pour se prémunir. Ils disent, parce qu'évidemment, la Grande-Bretagne va attaquer la France en disant, mais vous faites de la traite déguisée. Et ils disent, mais non, on achète des gens et en fait, on les libère. Donc, on peut pas dire que c'est de l'esclavage et ça rentre pas dans vos conventions. Et en fait, le système qui est assez perfide, donc ils achètent ces personnes. Ils les mettent sur des bateaux, ils leur dressent des contrats d'engagement. Et donc, dans ces contrats d'engagement, dans le préambule, vous avez par exemple le contrat, un des contrats que j'ai retrouvé dans les archives, Kilumba, jeune noir libre de 23 ans, s'engage en toute connaissance de cause pour aller travailler dans un des territoires français. Évidemment que ces personnes déjà ne parlent absolument pas le français, ne comprennent absolument pas ce qui leur arrive, sont dans des états physiques et psychiques extrêmement difficiles, puisque ils ont déjà subi des traites multiples. Ils ont un parcours en fait de captivité en Afrique qui est déjà long, et en fait ils se retrouvent à bord des bateaux. Et ils arrivent aux Antilles, et leur seule pièce d'identité, si vous voulez, quand ils arrivent aux Antilles, où évidemment il n'y a plus d'esclavage, donc ils sont forcément libres, c'est ce contrat d'engagement, où vous ne voyez pas trace de toute cette procédure de rachat. Et qui nécessite en plus, parce qu'on sent qu'il y a une hypocrisie absolue dans cette construction-là, qui nécessite de la part du pouvoir de construire un discours pour se justifier. Nous allons écouter la lecture d'une lettre, celle du ministre de la Marine et des Colonies de l'empereur des Français Napoléon III. Ce ministre, c'est Théodore Ducos. Et cette lettre est adressée au ministre des Affaires étrangères. Nous sommes en avril 1954 et notre ministre de la Marine et des Colonies justifie mais la merveille proposée à ces hommes ou à ces femmes qui veulent venir travailler dans nos colonies. L'immigration transporte des engagés dans des colonies où il n'y a pas un seul esclave, où tout le monde jouit des mêmes droits civils, est soumis aux mêmes lois, où la justice est égale et impartiale pour tous, où le gouvernement fait preuve d'une sollicitude toute spéciale pour la classe émancipée et se montre aussi jaloux qu'elle-même de garantir sa liberté contre toute atteinte. L'émigration les met à l'abri de tout abus et de tout arbitraire et les laisse non seulement libres de leurs actions, mais encore maîtres de réclamer leur rapatriement si tant est qu'ils soient disposés, contre toute probabilité, à échanger la sécurité personnelle et la jouissance complète du libre arbitre contre les dangers de toutes sortes auxquels ils seraient exposés dans leur pays. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons à l'esclavage après l'esclavage ou à la liberté forcée. C'est un concept extrêmement étonnant et complexe, mais c'est vrai que quand on présente 1848 comme l'année où l'esclavage se termine, non, en réalité, il se passe des choses après. Vous nous en parlez, Céline Fleury, et en écoutant cette lettre du ministre de la Marine et des Colonies en 1854 qui présente le système comme une merveille absolue avec des gens qui viennent de Chine, d'Inde, d'Afrique, et qui ne voudront plus partir tellement ils seront heureux. Vous hochiez de la tête, je vous voyais, parce que tout est à nuancer et relativiser là-dessus. Oui, bah c'est un extrait très bien choisi, parce que alors à la fois il y a une description des Antilles, là pour le coup il parle des Antilles, qui est absolument idéalisée, et ce qui se passe sur place, comme je vous le disais, est vraiment loin de cette description paradisiaque, et aussi c'est tout le discours pour justifier, et notamment la grosse justification c'est sur ces Africains rachetés, pour reprendre leur terme, puisque vraiment la Grande-Bretagne met la pression à la France sur cette traite déguisée. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a tout le discours qui a été construit par les abolitionnistes pour condamner l'esclavage en Amérique. Alors, au moment des abolitions, après, tout est transféré sur le continent africain. Et donc, l'esclavage le pire au monde devient l'esclavage africain. Donc là, évidemment, les Français sauvent ces pauvres individus d'un sort terrible. Et on retrouve tout ce discours qui va alors vraiment perdurer, montant puissance pour justifier la nouvelle colonisation qui commence un peu au milieu du 19e et qui va vraiment démarrer à la fin du 19e siècle. Donc où vraiment là l'Afrique est une terre de barbarie, de despotes, d'esclavage et que c'est intolérable et qu'il faut faire quelque chose. Donc c'est vraiment ce milieu du 19e, un moment charnière aussi entre deux moments et deux formes aussi de colonisation. Et ce qui est intéressant, les seuls d'ailleurs qui vont s'opposer à ce système d'engagisme africain forcé, en fait, par rachat, ce sont des entrepreneurs qui sont déjà sur les côtes d'Afrique ou à Gorée et qui investissent dans l'huile de palme et tout ça et qui vont dire « mais non, mais l'avenir, il est ici maintenant, les bras, c'est ici, on en a besoin, les Antilles ». C'est fini, en tout cas ça ne nous concerne pas, donc ne prenez pas les bras, entre guillemets bien sûr, pour les emmener là-bas. Donc il y a aussi cette échelle-là qui est intéressante à ce moment-là de basculement, mais pour en revenir au thème, toutes ces formes de travail, celles qui sont mises en place évidemment aussi dans les colonies africaines à venir, ne sont pas du tout des formes de travail libres. Et il faut vraiment insister sur ne plus penser l'abolition forcément comme la liberté du travail, en fait. Tout ça sera bien plus long. Bien plus long. C'est une Fleury, si je vous demande de manière très concrète, est-ce que pour un travailleur ou une travailleuse, la situation change avant et après 1848, l'abolition de l'esclavage? En fait, les conditions de travail restent les mêmes ou il y a une petite évolution? Alors, les conditions de travail, pour prendre les engagés, oui, les elles sont vraiment. Alors, par contre, ce qui se passe après 48, c'est que vous avez des législations qui encadrent tout et qui sont censées assurer la protection aux travailleurs. Donc, les conditions de travail, en fait, dans les faits, elles sont extrêmement dures et extrêmement contraignantes. Et les taux de mortalité, par exemple, sont effrayants pour les engagés. En tout cas, les premières années. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus réduire les choses en disant que ça, c'est une sorte de ligne continue et qu'il n'y a pas eu de changement. C'est-à-dire que pour les engagés, il y a quand même des syndicats de l'immigration. À l'époque, on appelle ça l'immigration réglementée, en fait, pas l'engagiste, c'est le terme de l'époque, où les gens vont trouver des marges de manœuvre pour essayer de négocier, mais ils sont pris dans un système extrêmement dur, en fait. Mais ce n'est pas, je ne dirais pas que l'engagisme, c'est de l'esclavage. C'est un système aussi de travail contraint, qui qui est différent de l'esclavage, en fait. Et quand on compare avec l'esclavage, on va retrouver peut-être pas des similitudes, mais des petites choses qui nous rappellent les pratiques anciennes. Et je pense simplement à la traversée en bateau. C'est une véritable horreur. Oui, oui. Alors ça, c'est vraiment pour les travailleurs donc recrutés par rachat, donc cet engagisme africain par rachat, qui pour moi est un système qui en fait est entre l'esclavage et l'engagisme en fait. C'est on peut pas le mettre à égalité avec l'engagisme des travailleurs indiens ou même des travailleurs chinois et même des travailleurs africains de statut libre au départ. Et en effet là, comme je vous le disais, c'est vraiment une traite déguisée et le transport en bateau, malgré qu'il y ait des représentants de l'État à bord et que des efforts quelque part sont faits pour par rapport à la nourriture, aux vêtements par exemple que doivent porter les personnes, c'est des conditions extrêmement difficiles et épouvantables. En fait. Épouvantables, qui nous évoque évidemment le code noir à la fin du XVIIe siècle, mis en place sous Louis XIV. Ce code noir qui était une monstruosité, il faut dire quand on lit le texte. Alors certains disent mais non, c'est un progrès puisqu'il y a une législation alors qu'avant il n'existait rien. C'est un argument terrifiant. Ce code noir, nous allons en écouter un extrait qui nous est lu par Bakary Sangaré, acteur français, sublime acteur français, sociétaire de la Comédie Française. Article 38. L'article 38 stipule: l'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys à une épaule. S'il récidive une autre fois, pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la troisième fois, il sera puni de mort. Bakary Sangaré qui lisait un extrait du code noir, ce code qui s'appliquait aux esclaves dans les îles. Nous sommes d'accord, Céline Fleury, après 1848, tout cela est oublié, ça faisait un moment que c'était oublié. Le code noir restait cependant dans les mémoires et justement ce matin dans le cours de l'histoire sur France Culture, avec nous se trouve Jérôme Correas. Donc vous avez travaillé sur le code noir, mais pas le code noir de Louis XIV, un autre code noir, c'est un opéra comique de 1842, donc joué Salle Favart, théâtre de l'opéra comique. Cet opéra comique, donc des paroles, c'est le librettiste, c'est Scribe, et la musique de Clapisson. De quoi parle ce code noir en 1842? Donc on est 6 ans avant l'abolition de l'esclavage. Oui, voilà. Alors il faut d'abord remonter quelques années avant, c'est-à-dire en 1838. C'est une année importante puisqu'il y a deux publications qui nous intéressent. La première de Victor Schœlcher, qu'on va retrouver évidemment lors de l'abolition. Et Victor Schœlcher visite les colonies et il écrit un livre qui est très parlant, qui s'appelle « Des colonies françaises ». Abolition immédiate de l'esclavage. Et c'est très intéressant ce livre parce qu'il raconte ce qu'il voit. Évidemment, ça laisse sans voix et c'est vraiment très intéressant de lire ce témoignage qui le fait affirmer tout de suite que ce système doit cesser immédiatement. Mais il faut savoir qu'effectivement, par rapport au code noir qui a donc été initié sous Louis XIV par Colbert et qui, comme vous le disiez, représente à l'époque une amélioration, puisque c'est le premier écrit. Le code noir est perçu comme juste au XVIIe siècle. Et ce qui est très intéressant, c'est l'évolution des mentalités à la fin du XVIIIe siècle, avec l'influence des encyclopédistes. Forcément, ça devient nettement plus douteux. Et puis, bien entendu, avec les mouvements d'abolitionnistes qui se précisent vraiment en Angleterre d'abord et en France ensuite, on a vraiment, avec Victor Schœlcher et d'autres, bien sûr, d'autres et des écrivains aussi très connus, Lamartine, Georges Sand, Victor Hugo, qui s'érigent vraiment contre ce système. On a vraiment cette, comme le dit Victor Schœlcher, c'est abolition immédiate, quoi, cette exigence de l'abolition. Et la même année, en 1838, paraît une sorte de petit roman d'une écrivaine, Fanny Rebaud, qui s'appelle Les Épaves. Alors, les épaves, ce sont des esclaves qui n'ont pas de maître et qui donc, comme telles, doivent être vendues. Et c'est exactement le sujet du code noir. Et ce petit roman, cette nouvelle de Fanny Rebaud a servi vraiment de modèle à Scribe quand il a écrit ce livret du code noir. Scribe, on l'oublie trop souvent. C'est un des auteurs majeurs du 19e siècle. Scribe est incontournable. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est un peu moins lu, un peu moins monté sur scène. Ce qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est qu'en travaillant sur le col noir, il se positionne. Scribe oui. s'inscrit dans quel univers autour des abolitionnistes, de l'esclavage? Alors justement, c'est ça qui est intéressant. Scribe et Clapisson, d'ailleurs, qui sont deux personnes extrêmement bourgeoises, extrêmement connues, extrêmement respectées, installées, riches, faisant partie de la bonne société parisienne, ils vont quand même avoir le courage, l'un et l'autre, avec ce projet, alors qu'ils auraient pu rester dans des opéras comiques. Alors je rappelle que l'opéra comique n'est pas une œuvre comique, mais une œuvre où la partie chantée est mélangée à la partie parlée, comique, c'est-à-dire avec des dialogues parlés. Donc on a un mélange de parler et de chanter. Faites bien de le préciser. Oui, parce que c'est vrai que souvent le genre de l'opéra comique, ce sont des œuvres assez légères qui exploitent beaucoup le côté quotidien de la vie de personnes plutôt simples et non pas des héros ou des grands personnages. Mais là, on a une œuvre qui est très loin d'être comique et qui explore quelque chose de parfaitement tragique. D'ailleurs, à l'époque de la création, on a souvent dit mais c'est un grand opéra à déguiser avec un sujet qui ne pouvait pas prétendre à être un grand opéra héroïque. Bon, mais toujours est-il que Scribe et Clapisson prennent un risque et prennent ce risque de se positionner contre l'esclavage. Et donc c'est très intéressant parce que c'est courageux de leur part. Et d'ailleurs, on le leur a reproché à l'époque. Et c'est en ça que cette œuvre est particulière. Jérôme Correas, vous êtes le directeur musical de cet opéra. Vous êtes chef d'orchestre également. J'ai envie de vous dire tout bêtement, de quoi parle cet opéra ? Alors, cet opéra parle, alors je vais pas vous raconter l'histoire parce que comme souvent dans les opéras, elle est très compliquée. Elle est compliquée parce qu'il y a plein de couples et d'amour. Voilà. Mais c'est beau, ce sont des histoires d'amour, mais certaines histoires d'amour finissent mal, surtout quand on se trouve dans les îles. Voilà, les histoires d'amour finissent mal en général, comme on dit, mais il y en a une qui va quand même bien se passer. Mais pour résumer, il s'agit d'un, et c'est ça qui est d'ailleurs très intéressant, c'est la confusion possible de nos destinées à chacun d'entre nous finalement. C'est un jeune homme blanc. Alors, on pense qu'il est blanc. En réalité, il est carteron, mais ça ne se voit pas. Voilà, il est carteron, c'est donatien. Et carteron, c'est-à-dire qu'il a un de ses quatre grands-parents qui est noir. Voilà. Et il arrive comme lieutenant de la marine française. Il s'appelle Monsieur de Rethel, comte de Rethel. En réalité, c'est un enfant trouvé, un enfant adopté. Mais il recherche ses origines parce que on lui a dit que sa famille était probablement une famille de planteurs en Martinique. Et il va tomber amoureuse d'une jeune fille noire qui est une esclave. Zoé. Voilà, Zoé. Mais sa patronne, Gabrielle, qui est la femme du gouverneur, s'est imaginée parce qu'elle s'ennuie. Son mari est très dur. Et d'ailleurs, on a un travail également sur la condition de la femme dans ce livret et dans cet opéra. Et ça, c'est très intéressant aussi. Et c'est tout à fait typique de cette époque. Hein. Et donc, Gabrielle s'imagine que ses regards ardents étaient pour elle. Et puis, après maintes vicissitudes, le gouverneur s'imagine, donc qui est un homme dur, qui fait respecter le code noir à la lettre, s'imagine que, effectivement, sa femme le trompe, lui qui d'ailleurs n'hésite pas à courtiser Zamba, qui est une capresse. Alors la capresse, c'est une femme de sang mêlé également. Elle est libre, donc c'est une métisse. Elle est libre et elle vend des colifichets, des nouveautés, des tissus, etc. En réalité, c'est une ancienne esclave échappée de l'île de la Grenade et qui s'est réfugiée à la Martinique sous un faux nom. On va apprendre que Zamba est la mère de Donatien. Donc tout ça va être révélé parce que le gouverneur s'imagine que sa femme le trompe et il va intercepter une lettre qui apprend à Donatien qu'il est en réalité fils d'une femme de couleur, donc c'est un choc pour lui, mais comme c'est une personne très large d'esprit, dans l'esprit de Clapisson et de Scribe, lui, il accueille ça comme vraiment quelque chose de très bien. Donc, et ça, c'est très intéressant. Intéressant aussi. Dans le contexte du moment. Ouais. Et oui. Aucun préjugé. Et ça, pour les gens, je pense, ça devait être très étonnant de voir ça représenté sur scène. Et puis, le gouverneur profite de cette de cette occasion de faire appliquer à la lettre le code noir, c'est-à-dire que toute personne dont la mère est esclave, puisque Zamba est en réalité une ancienne esclave échappée, toute personne fils d'une esclave est également un esclave et doit être vendu comme tel. Ce qui fait que ce conte de Rethel, très chic et très beau, que toutes les femmes trouvent très beau, se retrouve à la fin de l'ouvrage vendu sur la place publique comme esclave. Donc c'est quand même très choquant. Si vous voulez. C'est très fort. Alors déjà, cette magie du théâtre, de l'opéra du 19e siècle, où les histoires s'en mêlent, où la complexité de l'histoire est un véritable plaisir. Oui. Il y a, dans ce que vous avez raconté, Jérôme Correas, toute une portée historique qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, bien sûr. Et puis, c'est une œuvre aussi. Une œuvre, on va en écouter un extrait. Quand Zoé l'esclave, parle à sa maîtresse Gabrielle, et lui demande « Mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Parce qu'elle est troublée, Gabrielle. Et là, Gabrielle répond. Cet inconnu dont l'amour seul et ton être m'était si doux, ton image par moi tracée causa le soupçon d'un époux. S'il osa braver leur vengeance, c'est le code noir. Le code noir, cet opéra comique de Clapisson et d'Eugène Scribe. Jérôme Correas, quand on reprend une œuvre du 19e siècle, en l'occurrence de 1842, avec un sujet qui pose un vrai problème, c'est le code noir quand même, c'est pas rien de présenter le code noir 6 ans avant l'abolition de l'esclavage. J'imagine que l'on regarde dans le détail tout ce qui est dit, tout ce qui est fait. Cette pièce, quand elle a été montée en 1842, évidemment, il n'y avait pas de noir sur scène. Oui, alors il y en a dans la pièce. Oui. Et d'ailleurs, on en parlait beaucoup avec les interprètes. D'ailleurs, je signale au passage que c'est Isabelle Savigny, soprano, qui interprétait cet extrait. On en parlait parce qu'on a un témoignage écrit du fait que effectivement ce n'était que des chanteurs blancs parisiens connus de la troupe de l'opéra comique. Et alors le ténor, puisque ce sont toujours les ténors qui sont parfois un petit peu difficiles, hein, c'est une légende mais qui est parfois vrai, le ténor ne voulait pas mettre de cirage sur son visage parce qu'il avait peur qu'on ne le reconnaisse pas, ce monsieur. Donc il y a eu des scènes qui devaient être homérique avec Clapisson et Scribe qui lui hurlaient dessus depuis la salle en disant « Mais vous n'êtes pas assez noirci, allez vous noircir !»« Non, je n'irai pas, je ne chanterai pas comme ça et si vous voulez me forcer, je ne chanterai pas !» Enfin, la menace. Et puis finalement, on a quand même obtenu que les personnes qui jouaient des rôles de noirs se mettent un petit peu de cirage, mais il n'y en avait pas autant qu'on le voulait, etc. Enfin, vous voyez, c'est aussi ça, très intéressant, bien sûr. Et nous, aujourd'hui, nous sommes héritiers de toute une histoire, notamment autour du visage grimé, les blackface, oui. qui est très lourd de sens et qui est vraiment une blessure évidente. Quand aujourd'hui on se grime en noir, ce n'est pas simplement pour dire « oh ben je me déguise », c'est-à-dire en faisant ça, on porte une histoire complète et on ne peut pas le faire facilement. Il faut réfléchir à la chose. Vous, Jérôme Correas, vous y avez réfléchi, évidemment. Voilà. Oui, c'est pour ça que pour moi, c'était très important que... vraiment très important que les personnes qui jouent les rôles de noirs soient noirs et que les personnes qui jouent les rôles de métis soient métis. C'était une chose vraiment au début du projet. Mais j'ai été surpris en parlant de ces choses-là, parfois de la réaction de certaines personnes, parce que une personne elle-même métisse m'a dit à un moment donné, oui, mais finalement, quelle importance. On joue bien Othello avec des blancs sur lesquels on met du cirage. Et je suis resté un peu estomaqué parce que, bon, bien sûr, on peut tout faire. Je trouve qu'il faut pas non plus enfermer les choses. Mais j'ai trouvé que finalement, la réflexion à ce sujet, elle ne faisait que débuter finalement. Oui, la réflexion débute. On voit bien que ces sujets sont complexes. Céline Flory, vous avez donc étudié ce monde des Caraïbes après l'abolition de l'esclavage particulièrement. Vous connaissez l'ensemble de la période, bien sûr. Et c'est vrai que l'abolition de l'esclavage est une rupture même dans l'identité des personnes. Comment se construit cette identité dans les Caraïbes entre, bon, évidemment, les planteurs, on les imagine très bien, les esclaves devenus libres et ceux qui arrivent, ceux qui ont été engagés. Il y a des Chinois, il y a des Indiens. C'est une nouvelle société qui se compose dans les Caraïbes dans la deuxième moitié du 19e siècle. Oui, une nouvelle société qui, en effet, va avoir des bases anciennes. Et par exemple, il y a l'abolition de l'esclavage, mais c'est des sociétés qui se construisent dans l'esclavage. Et une des spécificités peut-être de cet esclavage transatlantique dans les Amériques, mais comme dans l'océan Indien, c'est que ça va créer la race. Et donc, c'est des sociétés extrêmement racialisées. Et la racialisation ne s'arrête absolument pas en 1848. Et d'ailleurs, ces engagés qui arrivent vont être eux-mêmes racialisés. Et du coup, les catégories donc que vous évoquiez, qui sont des catégories construites de Caprès, enfin toute cette hiérarchie de couleurs et même blanc et noir sont des catégories construites, vont perdurer et évidemment sont arrimées à, et c'est là le problème, à une hiérarchisation de valeurs et donc avec des discriminations. Et ça perdure et même ça, il y a certains moments où ça se renforce. Et ces engagés africains vont devenir des Congo. Les Indiens des coulis, qui sont des termes avec des fortes connotations péjoratives. Et du coup, ça, on en hérite encore. Et aujourd'hui, on voit bien tous ces débats montrent qu'on n'est pas encore du tout sorti de ces questions de racialisation. Et il faut bien préciser que la race est une construction sociale et que ça n'existe pas, mais que ça a des effets sociaux et que les effets sociaux sont encore très présents dans notre société. Et des effets également sur le vécu, sur le quotidien des gens. Céline Fleury, vous avez raison de souligner, il faut le dire sans cesse, que la race est une construction qui est assez récente en fait de la fin du 19e siècle et qu'auparavant la notion de regarder les gens, de classer, de hiérarchiser les races, c'est très 19e. Bon, non. Dites-moi. Non, il y a, si vous voulez, la race, elle a une histoire très ancienne. Je parle de la hiérarchisation. Bah, en même temps, la notion de, par exemple, de sang impur dans la péninsule ibérique au XVe siècle, qui concernait les juifs et les musulmans, c'est de la race et c'est de la racialisation dans le sens où y a des gens qui n'ont pas le droit. La race, si vous voulez, il y a une notion de généalogie. C'est là où c'est une sorte de système totalitaire dont on n'échappe pas. L'Inquisition, ils allaient chercher si 5 générations avant, vous aviez une goutte de sang juif, vous étiez juif. Aux États-Unis, si vous jusqu'à assez récemment, si vous aviez une goutte de sang noir, ça rejoint un peu l'opéra, c'est-à-dire Carteron, voilà, c'est un des 4 grands-pères, vous étiez noir en fait. Et ce qui implique que vous appartenez à une catégorie qui sont des catégories juridiques qui posent que vous avez certains droits et pas d'autres. Et donc il n'y a pas d'égalité. Donc la race vraiment elle a une histoire très longue. Ce que pose vraiment l'esclavage aux Amériques transatlantiques, enfin on va dire l'esclavage qui se met en place dès le 16e siècle et qui est vraiment porté par les Européens, c'est la construction du noir et du blanc. Parce que s'il y a une construction du noir, il y a forcément la construction du blanc. C'est-à-dire en Europe, on ne se dit pas blanc avant qu'il y ait l'esclavage aux Antilles. Donc voilà, il y a quelque chose de la couleur qui arrive. C'est là où je vous rejoins. Il y a quelque chose autour de la couleur. Et c'est au 19e, il y a une... Voilà, la théorisation, Gobineau, c'est fin 19e. Et c'est vrai que la notion de race, vous avez raison de le dire, est ancienne. La hiérarchisation des races, c'est vrai qu'on peut trouver des traces. Mais la théorisation globale d'un système mondial par les couleurs de peau, par les origines, va servir... à mettre en place la colonisation. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'opéra dont vous nous parlez, Jérôme Correas, opéra de 1842, on voit très bien cette évolution, c'est-à-dire que le même homme, avec la même couleur de peau, s'il se présente socialement comme quelqu'un de respectable, est accepté dans la bonne société, et avec la même couleur de peau, si on change son statut, on le dit fils d'esclave, il est complètement rejeté. Ouais. Ce n'est pas tant la couleur qui pose problème, en oui, fait, c'est plutôt encore un aspect social. Oui, c'est ça. Mais et d'ailleurs, le gouverneur, à un moment donné, a cette phrase terrible quand il explique à Donatien, qui s'étonne que l'esclave Zoé ne s'asseye pas à table pour dîner avec eux chez le gouverneur, mais cette jeune fille ne s'assoit pas. Et alors le gouverneur s'esclaffe en disant, mais y pensez-vous? Ce serait un crime qui serait d'ailleurs sévèrement puni, même pour lui finalement. Et il dit, c'est une personne de couleur, donc voilà, elle ne peut pas s'asseoir. Ah bon, mais alors pour les personnes de couleur, mais alors les autres non, etc. Oh là là, mais le diable lui-même, dans tout ce fatras de physique différent, le diable lui-même n'y reconnaîtrait pas ses enfants. Et ça, c'est une phrase qui est très intéressante parce que ça prouve justement la confusion et déjà le fait que finalement les Blancs se trouvent débordés par le grand nombre de combinaisons physiques différentes qui font qu'eux-mêmes sont perdus. Avec une combinaison qui prend de l'ampleur quand arrivent les Indiens, les Chinois, oui, qui rend la société encore plus complexe au fur et à mesure. Ce que vous appelez l'engagisme, c'est-à-dire le fait d'engager des gens. Céline Fleury, vous portez une attention à certains destins, des destins de femmes, et c'est très intéressant, vous avez retrouvé ça dans les sources. Ce n'est pas désincarné, cette histoire, ce sont des destins. Oui, oui, complètement. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, maintenant, mes recherches, là, il y a toute une partie dans ce travail-là qui était issue de ma thèse, ce livre-là, sur les structures étatiques, la politique internationale. Et maintenant, j'essaye vraiment d'être, on va dire, au plus près de ces acteurs. Bon, ça, c'est la chance du 19e et quelque part aussi de l'après 1848, c'est qu'il y a beaucoup d'archives. Ils sont dans l'état civil, par exemple. Ils arrivent avec leur nom, ça c'est important. Et eux, contrairement justement aux esclaves, même si c'est une traite déguisée, ces Africains rachetés vont garder leur nom africain qu'on retrouve encore aujourd'hui. Parce que ça devient le patronyme de leurs enfants. Donc encore aujourd'hui, il y a des gens qui portent ces noms-là. Et en effet, je pense que c'est très important, et c'est là où c'est intéressant, c'est que il faut aussi suivre ces individus et comment ces individus, mais comme les esclaves avant eux, et on peut dire, malgré des systèmes d'oppression extrêmement forts, négocient, arrivent à dégager quelques marges de manœuvre et construisent leur vie, construisent des liens sociaux, des liens amoureux, construisent aussi des formes de travail qui ne sont pas reconnues comme du travail, parce qu'à l'époque, pour les autorités coloniales, le travail, c'est le travail pour les produits d'exploitation coloniaux. Et voilà. Et du coup, c'est intéressant aussi de voir la dynamique de ces personnes qui ne sont pas que des gens victimes, écrasés par des systèmes de domination. Et ça, dire ça n'enlève rien à la violence de ces systèmes de domination. Comment les gens s'adaptent tout en conservant la mémoire de leur passé. Et c'est un peu ce que vous faites aussi, Jérôme Correas, en montant aujourd'hui un opéra comique de 1842. C'est pour parler à nos contemporains. Absolument, absolument. D'autant plus qu'on a quand même une vision encore, je trouve, un peu négative du 19e siècle. Ce côté romantique, parce que c'est une œuvre qui est très romantique. Ce côté un petit peu lourd, un peu pompeux, peut-être un peu poussiéreux, etc. Et mon but, d'abord, c'est de faire connaître un compositeur que moi-même, je ne connaissais pas avant de découvrir cette œuvre. J'avais jamais entendu parler de Clapisson. De Clapisson, et oui, aussi, Clapisson. Voilà, et qui était d'ailleurs un compositeur très, très célèbre en son temps, et plus estimé d'ailleurs que Berlioz hein, en son temps, et aussi justement, comme je le disais au début, d'établir un pont, parce que c'est ça qui est passionnant, entre une œuvre du passé qui résonne aussi fortement pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous deux, Céline Fleury, de l'esclavage à la liberté forcée, c'est aux éditions Cartala. Merci à vous, Jérôme Correas, et donc pour retrouver là où tout le public pourra entendre Le Code Noir. Il suffit d'aller sur le site du cours de l'histoire, c'est sur franceculture.fr. Mais il est l'heure de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, un documentaire qui retrace l'histoire de la Turquie à travers deux figures politiques majeures, Atatürk et Erdogan. Recep Tayyip Erdoğan, şüphesiz bir başkomutandır. Recep Tayyip Erdogan, le président de la République de Turquie, a déclenché une attaque contre les Kurdes du nord de la Syrie avec le soutien du principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple, qui s'inscrit dans l'héritage politique kémaliste. Le documentaire « Turquie, nation impossible » pourrait apporter quelques explications à cette union de rivaux politiques. Les réalisateurs, Jean-François Colosimo et Nicolas Glimois, établissent un parallèle entre les deux grandes figures de l'histoire politique de la Turquie, Mustafa Kemal Atatürk et Recep Tayyip Erdogan. Si tout semble opposer les deux hommes, Atatürk, féru de culture occidentale et partisan d'une laïcité radicale, et Erdogan, l'islamiste, le second, pourrait bien avoir hérité du premier. À commencer par leur manière de museler leurs opposants. On se souvient de la répression de grande ampleur qui a touché la société turque en 2016 après une tentative de coup d'État ratée. Atatürk a saisi une opportunité similaire lui aussi en 1926 après avoir échappé à une tentative d'assassinat. L'historien Amit Bozarslan témoigne dans ce documentaire. Les ressemblances entre la tentative d'attentat contre Mustafa Kemal en 1926 et le coup d'État de 2016 sont assez importantes. Et Mustafa Kemal a profité de cette aventure vouée à l'échec pour réprimer tous ses opposants. Si le putsch ou l'attentat réussit, l'autocrate est renversé, mais si le putsch ou l'attentat échoue, l'autocrate devient encore plus autocrate. Ce duel, orchestré pour le documentaire, revient sur la place de l'islam dans l'identité turque. Atatürk impose la laïcisation à marche forcée dans les années 20, après avoir relégué les minorités aux marges de la nation, lorsqu'elles n'ont pas été exterminées avant son arrivée au pouvoir. À commencer par le génocide arménien perpétré en 1915, que l'État turc refuse toujours de reconnaître. La mémoire sombre de la reconstruction de la Turquie après la Première Guerre mondiale, un État construit contre la vérité historique. Les terres arméniennes ont été confisquées, les biens arméniens, les maisons arméniennes. Donc, en quelque sorte, la Turquie d'aujourd'hui s'est fondée sur la base de ce génocide. Et donc, certes, c'était l'Empire ottoman, mais tous les descendants, en quelque sorte, des Ottomans dans ce territoire qui est l'Asie mineure, ont d'une manière ou d'une autre profité, ou leurs ancêtres ont profité de cet acte d'extermination. En 1914, 30% de la population du territoire de la Turquie actuelle n'est pas musulmane. Et 10 ans plus tard, ils ne sont que 2%. Les Kurdes et les Alevis, musulmans, sont également effacés et pourtant toujours présents pour permettre au roman national turc de s'épanouir. La fabrique d'une nation homogène où les singularités ethniques, religieuses et culturelles se fait redoutable pour construire une société turque unifiée, telle que la souhaitait Atatürk et dont la composante musulmane sunnite turcophone reste centrale, une condition préalable à la laïcité dans la conception d'Atatürk. Si vous résumez ces textes sur la laïcité, il dit en gros, nous sommes tous turcs, puisque nous sommes turcs, nous sommes tous musulmans. Et puisque nous sommes tous musulmans, nous pouvons tous être laïcs. Donc l'islamisation est posée comme la condition préalable de la laïcité elle-même. Erdogan relance une guerre pour la sauvegarde d'un nationalisme reconquis par la religion, tout en reprenant le mythe fondateur mis en place par Atatürk il y a presque un siècle. Merci Anaïs. On retrouve tous les liens utiles pour voir Turquie, nation impossible de Jean-François Colosimo et Nicolas Glimois sur la page du journal de l'Histoire sur franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Camille André et Alexandre Manzanares. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr ou bien en podcast, la balado-diffusion. Demain, vie et mort du capitalisme. Difficile de donner une date de naissance au capitalisme et plus encore une date pour sa mort, souvent annoncée, mais qui n'en finit pas d'arriver. À demain.